Tu es l'homme qui me suit, je suis la femme qui te fuit. Ne retourne pas mes états d'âme, je suis la dame dans le noir. Mon cœur est un cercueil, ma peau cogne les parois. Je suis destructrice, destructrice de mes envies. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vole le battement de cœur des amoureux. Je le glisse en dessous de mes sens et je m'envole. Je m'envole. Je me défile les images de désir. Je les transperce de transparence. Et je meurs d'amour. Ne retourne pas mes états d'âme. Viens m'arracher les ailes. Je suis lasse de planer dans un ciel noir. Je veux poser ma peau sur toi. Envahis-moi, envahis-moi, enlace-moi, enlace-moi, emprisonne-moi, emprisonne-moi, emprisonne-moi. Mets-moi en cage. Ne me laisse pas fuir. Je veux t'aimer. Viens. Ne me laisse pas. Je veux te suivre. Je veux être la femme qui te suit. Je veux t'aimer. Je veux être ta femme. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.